Papillon bleu, par André Theuriet. J'avais 16 ans, et à travers une longue fièvre de croissance, je venais de passer péniblement de l'enfance à la puberté. Je me vois encore. J'étais un maigre adolescent, tout en jambes et tout en bras, comme un faucheux. J'avais poussé trop vite. Cela se reconnaissait à mes pantalons et aux manches de ma veste, qui ne s'étaient pas allongées en proportion, et qui étaient maintenant trop courtes de deux bons doigts. Cela se reconnaissait également à ma voix flûtée et à ma figure pâle, dans le bas de laquelle les poils follets d'une barbe naissante commençaient à blondir. Pour me redonner du corps, on m'avait recommandé les promenades au Grand-Air, et je partais dès le matin pour les bois avec mon ami d'enfance, Mélasip Herbion, le fils du juge de paix. Ce Mélasip était un solide garçon, joufflu et membru, industrieux et positif, qui avait hérité des goûts de son père pour l'entomologie. Il ne sortait jamais sans son filet de gaz verte et sa boîte à insectes, doublée de bandes de liège. Et, peu à peu, il m'avait initié au mystère et aux joies de la chasse aux papillons. Pendant des soirées entières, nous nous montions l'imagination en regardant les collections de son père et nous rêvions de prendre à notre tour dans nos filets un de ces beaux mars aux ailes changeantes que nous n'avions jamais vu vivant. Le mars, Vanessa Iris, est un lépidoptère assez rare chez nous, et de plus, il ne se laisse pas attraper facilement. Très défiant, se reposant peu, il a des coups d'ailes brusques qui mettent en défaut l'adresse du chasseur. Pour réussir à le prendre, il faut de l'habileté et de la patience. Par les chaudes matinées de juin, on va se mettre à l'affût dans une allée forestière, ni trop sombre, ni trop ensoleillée, et on attend silencieusement le passage de ce capricieux papillon, après avoir, en guise d'appât, répandu sur le sol quelques beaux crottins de cheval aussi frais que possible, car ce magnifique diurne, au vol puissant, à l'aile soyeuse, à la tournure aristocratique, a des goûts déplorablement dépravés. L'odeur des roses le laisse insensible, et il n'a de prédilection que pour les excréments ou les putréfactions les plus faisandées. Un matin donc, Mélasip et moi, nous étions partis pour la forêt de Trois-Fontaines, avec l'idée bien arrêtée de conquérir ce phénix des lépidoptères. Mélasip portait avec précaution, dans un petit panier, lapin indispensable, recueilli dès l'aube dans l'écurie paternelle. Arrivés en plein bois, nous avions choisi une belle allée ombreuse et fraîche, où de sveltes digitales roses poussaient vigoureusement sur le talus. Nous avions de distance en distance répandu le précieux crottin de cheval, dont le fumet devait, pensions-nous, attirer les mars à foison, et assis chacun au pied d'un hêtre, silencieux, l'œil au guet, la main sur le filet de gaz verte, nous attendions, le cœur palpitant. Il faisait un temps à souhait, clair soleil trouant des branches entrecroisées et semant sur le sol herbeux une pluie de petits ronds dorés, peu de vent, juste assez pour transporter à une certaine distance l'odeur attirante de notre amorce. Malgré cela, le dieu Mars n'apparaissait point. De vulgaires papillons blancs et quelques argus bleus effleuraient seuls, d'une aile insoucieuse, l'appât que nous avions apporté de si loin. « Les crottins se sont desséchés en route, » disait mon camarade. « Les mars, qui sont malins, sentent bien que ce n'est pas de la marchandise fraîche. » Et Mélasip, qui était un garçon pratiqué sans vergogne, me proposait déjà d'employer un moyen plus naturaliste et plus efficace quand je lui saisis le bras. « Chut !» murmurai-je, en lui montrant la voûte verte et lumineuse formée par les retombées des hêtres. « En voici un !» En effet, glissant dans un ray de soleil, un mars venait d'apparaître dans la pénombre, ainsi qu'un personnage de féerie, pimpant, frais et lustré, comme s'il sortait de sa chrysalide. Déjà, tandis qu'il descendait, les ailes épliées, et se balançait majestueusement dans un bol horizontal, nous pouvions admirer sa robe chatoyante, qui passait du brun au bleu, suivant les jeux de lumière. Il était presque au niveau du sol. Impatient, je m'élance, je donne un coup de filet, et ne prends que du vent. Je l'avais raté, et comme pour me narguer, il battait des ailes. Je le poursuis avec rage, je le manque encore, et je le vois fuir hors d'atteinte et disparaître finalement dans les feuillets. « Maladroit !» s'écrie Mélasip avec humeur. « Tu sais bien qu'il ne faut jamais poursuivre le mars, ça l'effarouche et il ne revient plus. » Il ne revint plus, en effet, et après une bonne demi-heure d'attente, nous nous sentîmes l'estomac creusé par le grand air et l'émotion. « Allons déjeuner à Robert Espagne, » me dit mon compagnon. « Mon cousin qui est boulanger mettra les petits pots dans les grands pour nous recevoir. J'ai encore dans les yeux le charmant paysage, plein de gaieté et de soleil, qui s'offrit à nous quand nous sortîmes du bois. Au milieu des prés, des chenevières et des cerisiers rouges de fruits, le village de Robert Espagne éparpillait ses maisons blanches, dont les eaux vertes de l'assaut baignaient les façades. À droite, près du pont, un moulin tournait au soleil ses roues emperlées de gouttelettes scintillantes. À gauche, dans les noyers, des fumées bleues montaient au-dessus des toits de tuiles brunes. Des canards, suivant le fil de la rivière à la queue leu-leu, jetaient de temps en temps leurs notes nasillardes auxquelles répondait le coup de clairon des coqs. Il y avait de sourds bruissements de faux dans les prés et de joyeux cris d'enfants dans les vergers. Et quand nous arrivâmes près de la maison du boulanger, une friande odeur de pain chaud nous caressa délicieusement les narines. Ce fut la boulangère qui vint nous ouvrir, et tout ébloui en sortant du grand soleil, je ne distinguais d'abord que confusément les objets dans la cuisine obscure, dont les volets étaient fermés et les rideaux tirés. « Bonjour, cousin, » dit la boulangère en reconnaissant Mélasip, « vous arrivez juste à point. Mon mari chauffe le four et je vais vous faire de la galette. » Elle avait un joli son de voix qui me charma, et m'étant peu à peu habitué à l'obscurité, je me mis à examiner la cousine. C'était une jeune femme de 22 ans à peine, blanche, fraîche, grassouillette, avec d'épais cheveux châtains frisottants et de grands yeux rieurs, dont la coulure d'un bleu violet me rappelait les teintes changeantes du mars que nous venions de manquer. Vu la saison et aussi à cause de sa besogne de pâtissière, elle était sommairement vêtue d'une jupe d'indienne à raies blanches et lilas et d'une chemise serrée au cou par une coulisse, mais dont les manches courtes laissaient voir jusqu'au coude ses bras potelés, sur l'un desquels il y avait un petit signe noir. Dans un coin de la cuisine, près du dressoir, les éléments de la galette étaient déjà préparés sur la maille. La fine fleur de farine, dans une corbeille d'osier, le beurre enveloppé de feuilles de vigne, les œufs battus dans un large saladier de faïence verte et rouge, le plateau rond pour flétrir la pâte et les petits morceaux de lard taillés comme des dés. Et tout en souriant, tandis que Mélasip allait trouver le boulanger dans son fournil pour lui souhaiter le bonjour, la boulangère se mit en devoir de confectionner la galette promise. J'étais resté seul avec elle dans la grande cuisine fraîche et sombre où il faisait bon. À travers les volets clos et les rideaux de toile à carreaux blancs et rouges, un rayon de soleil filtrait et sablait de points d'or le bassin de cuivre placé horizontalement sur le seau de fer blanc près de la pompe. Ce même rayon teignait en rose le carrelage de la salle et venait mourir dans les cheveux fous et sur la nuque blanche de la boulangère. Elle me tournait le dos, de sorte que je pouvais admirer tout à loisir ses épaules tombantes, dont la chemise de toile accusait les délicieux contours, sa taille souple, ses hanches arrondies, et les mouvements aisés et élégants de tout son corps tandis qu'elle pétrissait sa pâte. Elle avait arrosé d'eau tiède la farine amoncelée sur le plateau, et un nuage poudreux s'élevait autour d'elle comme une auréole. De temps en temps, elle se retournait pour m'adresser la parole. Je voyais ses petites dents à travers ses lèvres entr'ouvertes par un sourire, et les longs cils de ses yeux légèrement saupoudrés de fleurs de farine. Elle semblait considérer avec un mélange de sympathie et de pitié ma taille frêle trop élancée et ma maigre et pâle figure d'adolescent. Et moi, avec cette fatuité du collégien qui sent sa barbe poindre, je m'imaginais déjà avoir produit une impression romanesque sur cette accorte et appétissante campagnarde. Peu à peu, la première verdeur de la jeunesse commençant à pousser ses bourgeons, et le souvenir des lectures défendues que j'avais faites au collège me revenant à la mémoire, je me montais la tête. Certaines pages des Confessions de Jean-Jacques m'avaient fortement remué, et m'avaient donné le désir de rencontrer une aventure analogue à celle des cerises. Pourquoi ne trouverais-je pas à mon tour une demoiselle de Graffenried ou une madame Basile qui me regarderait d'un œil tendre? Et pourquoi la boulangère ne sera-t-elle pas cette âme compatissante? Son mari devait être un rustre, laid et mal éduqué. Elle devait en être lasse. Et d'ailleurs, ses yeux riants semblaient indiquer qu'elle n'était pas sévère. J'avais lu dans mes livres qu'il ne s'agissait que d'oser. Et ma foi, l'occasion était propice, la boulangère ayant les mains occupées à pétrir sa pâte. Là-dessus, je me levai sur la pointe des pieds avec un affreux battement de cœur, et tout à la volée, je posai mes lèvres gloutonnement sur l'un des bras nus à l'endroit où était le petit signe noir. Brusquement, elle se retourna, ébaubie, et je devinai, un rapide flamboiement de ses yeux bleus, que si ses deux mains n'avaient pas été engluées de pattes, elle m'eût, dès le premier moment, allongé un joli soufflet. Mais elle vit ma longue figure suppliante et devint miséricordieuse. D'ailleurs, les femmes nous savent toujours gré des admirations, même audacieuses, elles excitent en nous. Elle sourit, se contenta de me donner une légère chiquenaude qui m'enfarina le nez et murmura « Eh bien, monsieur, eh bien ?» Et comme elle achevait, mon ami Mélasipe entra, accompagnant le boulanger, qui s'écria d'une belle voix de chantre « Le four est chaud, enlevons la galette !» Le boulanger était un fier gars de 28 ans, grand, bien découplé, large des épaules. Ses bras nus et musculeux semblaient taillis dans le marbre, sous la couche de farine qui les blanchissait. Il avait une forêt de cheveux bruns plantés bas sur son front carré, des yeux bruns limpides et francs, la barbe frisée. En un mot, c'était ce que les paysans, dans leur langage énergique, appellent un beau mâle. Tandis que je me détournais pour cacher ma confusion, et aussi pour enlever la poudre accusatrice qui me mouchetait le bout du nez, j'aperçus dans la vitrine d'un buffet le reflet de ma taille frêle, de ma poitrine étroite, de ma blême et longue figure de pierrot, et mentalement, je fis entre le maître et seigneur de la boulangère et mon maigre individu une comparaison qui n'était pas à mon avantage. À côté de ce robuste gaillard, j'avais l'air d'un brin d'osier en face d'un beau jeune chêne, et quand je ne me le serais pas dit, les regards admiratifs que la boulangère lançait à son mari me le disaient assez. Du coup, mes velléités amoureuses s'envolèrent pour ne plus revenir, comme le mars aux ailes irisées s'était envolé dans la forêt de Trois-Fontaines. Je redevins le collégien affamé que j'étais 10 minutes avant, et je n'eus plus Dieu que pour la galette. Elle était succulente au sortir du four. Épaisse, onctueuse, avec de belles boursouflures dorées et un parfum de lardon rissolé qui faisait venir l'eau à la bouche. Nous la dégustâmes en l'arrosant d'un petit vin rose du cru qui pétillait dans les verres. Ainsi finit mon premier roman d'amour à la Jean-Jacques. Il y a 30 ans de cela, mais parfois, tout en minutant mes expéditions, j'y ressonge encore et je vois, entre les pages noires et blanches d'un dossier, luire, comme les lazurés changeants du mars, les yeux bleus souriants de la boulangère. C'était Papillon bleu, par André Theuriet.